Bordas. Bordas. Au mode. Au mode. 14 août. 14 août. Connais-tu l'histoire du vagabond au dent noir, l'homme qui parcourt le monde sur son cheval blanc? Il regarde, il observe, il véhicule ses pensées, et ses pensées le véhiculent comme un damné à travers le monde. L'homme immonde, un cheval blanc qui l'obsède, qui véhicule ses pensées comme son mental aliéné. Connais-tu l'histoire? Connais-tu l'histoire de ce petit homme qui pagalait, obsédé par les pensées de l'immonde, du monde qui abonde en son sens, le sens qui abonde dans la direction de l'immonde, de l'amour, de l'humour, de Bordas, de calcul. Bordas ne recule pas devant la description qui dérange comme les monstres oranges. Il faut intégrer ça, de moins l'infini à plus l'infini.